فعينك أيها المؤمن لها صيام، وهو صيام مستمر دائم، وهو أن تصوم عن النظر إلى الحرام. وأذنك لها صيام، وهو صيام دائم، وهو بمنعها من سماع الحرام. ولسانك له صيام، وهو صيام مستمر دائم، وهو منعه عن التكلم بالآثام. ويدك عليها صيام، وهو صيام مستمر دائم، وهو بكفها عن العدوان. وقدمك لها صيام، وهو صيام مستمر دائم، وهو بمنعها من المشي إلى الحرام. وهكذا كل جارحة من جوارحك، وكل عضو من أعضائك، كل ذلك عليه صيام، وهو صيام مستمر دائم. ورب العالمين جل وعلا يسألك عن هذا الصيام يوم القيامة كما يسألك عن صوم رمضان. وستقف أمام الله جل وعلا ويحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة. Ainsi, le jeûne ne se limite pas à un seul organe. Tous tes membres sont concernés. Ton corps tout entier est concerné. Tes yeux, serviteurs d'Allah, sont concernés par un type de jeûne. Et c'est un jeûne permanent tout au long de ta vie. Tu dois t'abstenir de regarder ce qu'Allah t'a interdit de regarder. Tes oreilles également sont concernées par un type de jeûne. Et c'est un jeûne permanent tout au long de ta vie. Tu dois t'abstenir d'écouter ce qu'Allah t'a interdit d'écouter. Ta langue, serviteur d'Allah, ta langue également est concernée par un type de jeûne. Et c'est un jeûne permanent tout au long de ta vie. Tu dois t'abstenir de dire des choses répréhensibles. Tu dois t'abstenir de dire des choses qu'Allah t'a interdit de dire. Tes mains également sont concernées par un type de jeûne. Et c'est un jeûne permanent tout au long de ta vie. Tu dois t'abstenir d'utiliser tes mains dans ce qu'Allah t'a interdit ou d'une manière qu'Allah t'a interdite. Tes pieds également sont concernés par un type de jeûne. Et c'est un jeûne permanent tout au long de ta vie. Tu dois t'abstenir de te rendre là où Allah t'a interdit de te rendre. Tu dois t'abstenir d'utiliser tes pieds dans une chose qu'Allah t'a interdite. Et ainsi de suite, serviteur d'Allah, concernant tous les membres de ton corps, tous sont concernés par un type de jeûne. Tous se doivent d'être utilisés dans l'obéissance d'Allah. Serviteur d'Allah, tous les membres de ton corps sont concernés par un type de jeûne particulier. Tous les membres de ton corps se doivent d'être utilisés dans l'obéissance d'Allah et non le contraire. Et sache que tu seras interrogé par le Seigneur de l'univers au jour de la résurrection au sujet de chacun de tes membres. Tout comme Allah t'interrogera au sujet de ton jeûne du mois de Ramadan, il t'interrogera au sujet de chacun de tes membres. Tu te retrouveras devant Allah, qui te demandera des comptes et te rétribuera selon les actes que tu auras accomplis durant ta vie. وعموم الصيام، قال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحة، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فإن للصائم عن الحرام فرحة، فرحة في هذه الحياة الدنيا بلذة الامتناع عن الطاعة، ولذة حسن الامتثال لأمر الله، فهي لذة لا يعادلها لذة، وحلاوة لا يدانيها حلاوة، وله فرحة أخرى عندما يلقى الله جل وعلا فيوفيه أجره ويعطيه جزاءه ويكون من أهل دخول الجنة بلا حساب. فما أعظمها من فرحة وما أكملها من لذة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لنا صيامنا على الوجه الذي يرضيه وأن يوفقنا لطاعته كما يحب، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant le jeûne du mois de Ramadan et le jeûne en général, il a dit: le jeûneur a deux joies, deux réjouissances. Une lorsqu'il rompt son jeûne et une autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Le jeûneur a deux joies, deux réjouissances. Une lorsqu'il rompt son jeûne et une autre lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Ainsi, celui qui fait le jeûne des choses interdites, celui qui s'abstient de commettre les péchés et les désobéissances, aura droit à deux joies, deux réjouissances. La première, dans cette vie d'ici-bas, qui est lié au plaisir de se retenir de commettre les choses interdites. La délectation dans l'abstention des péchés et l'accomplissement des ordres d'Allah. Et ce plaisir, cette délectation, cette douceur sucrée n'a pas d'égal. Rien n'est comparable à elle. Rien n'équivaut à ce plaisir qu'éprouve le serviteur qui obéit à son Seigneur. Quant à la deuxième réjouissance, la deuxième joie, eh bien, elle se produira lorsque le serviteur rencontrera son Seigneur au jour de la résurrection. Allah le rétribuera par le bien et lui accordera ses récompenses. Et le serviteur fera partie de ceux qui entreront au paradis sans avoir à rendre de compte. Et quelle grande récompense! Une récompense grandiose et complète, une réjouissance immense. Et nous demandons à Allah qu'il soit glorifié et exalté par ses beaux noms parfaits et ses attributs élevés. Nous lui demandons de parfaire notre jeûne de la manière qu'il agrée. Et nous lui demandons de nous faciliter également le fait de lui obéir dans les choses qu'il aime. Il est certes celui qui répond aux invocations et celui en qui nous plaçons nos espoirs. Il est notre garant, et quel excellent garant. عباد الله اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به. اختص جل وعلا الصيام بهذه المكرمة وهذا الإنعام العظيم. وإلا فإن العبادات كلها لله وثوابها كله على الله جل وعلا، ولكن هذا تخصيص للصيام بمزيد إنعام وجزيل إكرام. Serviteur d'Allah, craignez Allah, car quiconque le craint, Allah le préserve et l'oriente vers le meilleur en ce qui concerne sa vie d'ici-bas et sa vie dans l'au-delà. Serviteur d'Allah, craignez Allah, car quiconque le craint, Allah le préserve et l'oriente vers le meilleur en ce qui concerne sa vie d'ici-bas et sa vie dans l'au-delà. Musulmans et musulmanes, il a été rapporté dans un hadith authentique que le messager d'Allah a dit concernant le jeûne, qu'Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a dit: As-sawmuli wa ana ajzibi. As-sawmuli وَأَنَا أَجْزِيبِ Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Allah a ici spécifié le jeûne et l'a grandement favorisé. Allah a spécifié le jeûne et l'a grandement favorisé. Mais en vérité, toute adoration, quelle qu'elle soit, appartient à Allah seul. Et il en est le seul rétributeur. C'est lui seul qui accorde la rétribution en fonction des adorations, et toute adoration lui appartient. Toute adoration se doit de lui être destinée exclusivement. Pourtant, dans le hadith précité, dans ce hadith que nous venons de voir, Allah a fait une spécification quand il a dit « Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense ». Allah a spécifié le jeûne par une faveur supérieure. Allah a spécifié le jeûne par une faveur supérieure et une gratification abondante. عباد الله وقيل في اختصاص الصيام بهذا الثواب أن الصائم صيامه سر بينه وبين الله وإلا فإن الإنسان يستطيع أن يتناول شيئا من الطعام والشراب ويتظاهر أمام الناس بأنه صائم ولكنه لا يفعل شيئا من ذلك خوفا من الله ومراقبة لله وهنا عباد الله تظهر عبرة مؤثرة وحكمة بالغة لمن وعها ألا وهي أن من راقب الله جل وعلا هذه المراقبة بالامتناع عن هذا الأمر الذي اعتاده وألفه أن الواجب عليه أن يراقب الله في كل وقت وحين أن يراقب الله جل وعلا في كل وقت وحين مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه والفيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني Ainsi Allah a spécifié le jeûne par une faveur supérieure et une gratification abondante. Et les gens de science ont dit que cette spécification dans la récompense du jeûne est due au fait que le jeûne est une adoration particulière. Le jeûne est une adoration particulière, c'est une confidence, un secret entre Allah et l'adorateur. Car qu'est-ce qui empêche le serviteur de porter à sa bouche de la nourriture ou de la boisson sans que personne ne le voie ? Qu'est-ce qui l'empêche de faire cela ? Qu'est-ce qui empêche le serviteur ou la servante, en plein mois de Ramadan, de s'isoler dans un coin et de consommer de la nourriture ou de boire une boisson, tout en feignant de continuer de jeûner aux yeux des autres ? Qu'est-ce qui l'empêche de faire cela ? Ce qui l'empêche de faire cela, c'est la crainte d'Allah. Ce qui l'empêche de faire cela, c'est sa crainte d'Allah et le fait qu'il sache et qu'il appréhende le fait qu'Allah le voit. Et ici se dévoile une grande leçon, un sermon saisissant, une grande sagesse pour quiconque la comprend. Et c'est que celui qui prend conscience qu'Allah le voit, celui qui a pleinement conscience qu'Allah le voit, au point qu'il va s'empêcher cette chose naturelle, quasi automatique, qui est le fait de manger ou de boire, celui qui a pleinement conscience qu'Allah le voit, au point qu'il va s'empêcher de rompre son jeûne, eh bien, il lui est obligatoire d'avoir conscience continuellement et de manière permanente à chaque instant qu'Allah le voit. Il se doit d'avoir conscience qu'Allah l'entend et le voit en chaque instant, pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Et le doué de raison parmi les adorateurs d'Allah, le doué de raison, l'intelligent, c'est celui qui dompte son âme et œuvre pour la vie de l'au-delà, la vie après la mort. Tandis que l'incapable, le faible d'esprit, c'est celui qui suit ses mauvais penchants, ses passions, en espérant en Allah, mais en se reposant sur de faux espoirs. Le faible d'esprit, l'incapable, c'est celui qui suit ses mauvais penchants, ses passions, ses lubies, en espérant en Allah, mais en se reposant sur de faux espoirs. Et nous demandons à Allah de nous faciliter notre jeûne du mois de Ramadan, ainsi que toutes les œuvres qui nous rapprochent de lui. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.